Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fe yekulullahu tebareke ve teala ve rattilil Kur'ana tertila. Ve yekulun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. El mahiru bil Kur'ani ma'a seferatil kiramil barara. Vellezi yekra'ul Kur'ana ve teta'ta'u fihi ve hu alişaq. Felev ajran. Rajul Bukhari ve Muslim. أقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته والأخذ بالتجويد حتم لازم أن لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصل إلى آخر مقال رحمه الله. Donc on va reprendre les frères rapidement une révision du dernier cours rapide en même temps comme ça Yassine il a une vision générale un petit peu du dernier cours qu'on a pris, et après bon le cours il est enregistré, alhamdoulilah, on va te l'envoyer Yassine, comme ça tu pourras réviser ce qui a été dit au dernier cours inshallah. Donc on a commencé, ça c'était le deuxième cours, ou plutôt le troisième cours, c'était le troisième cours les frères ou le deuxième? Le troisième, hein? Très bien. Le troisième. C'était le, on était sorti donc de l'introduction générale, on est rentré dans des petites introductions qui sont secondaires. On a commencé donc par les différents niveaux de récitation du Coran. On a dit qu'il y avait trois niveaux de récitation. Et la récitation du Coran qu'on appelle At-Tartil. At-Tartil, comme il est venu dans le Coran, dans ce verset de Surat al-Muzzammil, où Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » Récite le Coran doucement et clairement. « At-Tartil » donc c'est le fait de réciter le Coran d'une manière claire avec les règles de Tajwid. C'est pour cela que les niveaux de récitation du Coran s'appellent « At-Tartil » ou que la récitation du Coran en elle-même s'appelle « At-Tartil ». On avait dit que les niveaux de récitation sont au nombre de 3, et certains parmi ceux qui écrivent dans le Tajwid disent qu'ils sont au nombre de 4, et ils rentrent dans cela At-Tartil lui-même. Et on avait vu que At-Tartil c'était plus le titre général qui englobe tous les niveaux de récitation, ce n'est pas un niveau de récitation à part entière. On a dit que ces trois niveaux de récitation étaient At-Tahqiq, At-Tadwir et Al-Hadr. Al-Tahqiq qu'on a appelé ici la précision, Al-Tahqiq qu'on a appelé ici la précision. On a appelé ici donc la précision Al-Tahqiq, et c'est le fait de d'avoir une récitation lente en donnant pleinement son droit à chaque règle. At-Tadwir qui est ici la récitation intermédiaire, qui est le fait, comme on avait dit, de réciter d'une manière intermédiaire, qui est entre le fait de réciter d'une manière lente et le fait de réciter d'une manière dynamique. Et c'est la récitation qui est la plus courante. On avait dit que la dernière récitation qui était le Hadr était une récitation dynamique, qui était dynamique et rapide en tenant compte des règles de Tajwid. Et on avait donné comme exemple pour chacune de ces récitations At-Tahqiq, qui était la manière qu'on a de réciter lorsqu'on récite devant le professeur afin qu'il nous sorte toutes nos erreurs lors de notre récitation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceci est At-Tahqiq. La récitation intermédiaire At-Tadwir, donc la récitation la plus courante, c'est celle qui est utilisée dans la prière obligatoire. Le plus souvent, l'imam, lorsqu'il récite dans les prières à voix haute, il utilise cette récitation qui est At-Tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Celle-ci est At-Tadwir. La troisième récitation, Al-Hadr, qui est une récitation dynamique, tout en tenant compte des règles de Tajwid, c'est celle qui est utilisée, comme on avait dit, le plus souvent pendant la prière des Tarawih pendant Ramadan, qui est plus dynamique. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, comme cela. lors du cours, on avait vu ce point que j'avais souligné ici, qui est, et on avait beaucoup détaillé sur cela, si vous vous rappelez bien, sur la manière que certains ont de réciter le Coran, qui sort, ou ils font sortir cette récitation de son contexte. Et plutôt nos savants, parmi eux, Cheikh Mourbil, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Ubayd Al-Jabiri, Hafidahumullah, wa rahmatullahi al-amwat, ont, dans plusieurs fatwas qui sont répandus, ont rappelé que ces manières de réciter ne sont pas conformes à la sunna. Comme cela, on avait donné la récitation de Abdel Basit Abd Samad, qui est, on va dire que ces récitations sont très très répandues dans le monde musulman et autres. Il a des vidéos sur internet, sur YouTube, c'est cette manière de réciter où il met ses deux mains sur les côtés, sur ses tempes, sur les deux côtés de son visage, et de réciter d'une manière très lente. Et ceci n'est pas conforme à la sunna. Nous voyons que même cette récitation l'amène à faire des erreurs. Comme on avait dit, le fait de faire ce qu'on appelle at-tamtit, c'est-à-dire de rajouter des moudoud, des voyelles longues, là où il n'y en a pas. Comme cela, Mishari Abfasi, qui est très connu aussi, qui a une voix, qui a une belle voix, mais qui l'utilise d'une manière qui n'est pas conforme à la sunna, comme dans les anachites qu'on peut voir, etc. Et même dans sa manière de réciter le Coran, une manière qui ressemble plus à des anachides ou à de la musique. Et pour cela, nos savants, qui sont cités plus haut ici, ont des fatawas qui sont répandus sur le fait de mettre en garde contre cette manière de réciter, cette manière d'aller à l'encontre de la sunna. Comme cela, on avait rappelé que Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, Habibahullah Ta'ala, avait même écrit un conseil autour de cela, qui était en résumé le fait que beaucoup de spécialistes, entre guillemets, de récitation du Coran, prennent un grand soin de sortir les lettres de la meilleure des manières, entre guillemets, encore une fois, la meilleure des manières, et tombent bien souvent dans l'exagération. C'est-à-dire qu'ils vont avoir toujours quelque chose à dire sur ta manière que tu as de prononcer les lettres du Coran, de sortir les lettres, et ils sortiront les lettres et on les entend, des gens qui sont, yani que l'on prétend être, que ces gens-là sont des spécialistes dans l'arrestation du Coran, réciter le Coran d'une manière qui n'est pas naturelle. Et plutôt on voit que ceci va à l'encontre de la manière dont avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran et de ses compagnons. Ils récitaient le Coran d'une manière naturelle, comme ils parlaient, tout en embellissant leur voix. Comme ils parlaient, tout en embellissant leur voix. Et certains avaient une meilleure manière de sortir la lettre Ra, la lettre Kha, la lettre Qaf, et d'autres avaient une meilleure manière de sortir la lettre Vad, la lettre Ta, la lettre Va. Donc ceci est la manière dont avait As-Sahaba de réciter le Coran, c'est-à-dire que c'est une manière qui était la plus simple possible et la plus naturelle possible. Aussi, on avait mis en garde sur une innovation qui est faite par beaucoup de récitateurs du Coran et beaucoup de personnes qui apprennent le Coran, soit auprès de gens qui ne sont pas forcément sur la sunna ou qui n'ont pas fait des études de la sunna, aussi des gens qui apprennent le Coran tout seul, qui est le fait de copier les récitateurs, de copier la manière qu'ont de réciter les récitateurs. On avait bien mis en garde sur ce point-là, que c'était une innovation, que ceci est une bid'a, de réciter à la manière des récitateurs, c'est-à-dire Sudeis, Shuraim, Saad al-Ghamidi, qui ont une manière, ils ont leur timbre de voix, ils ont leur manière de réciter. Toi, tu les écoutes, tu les écoutes, mais la manière que toi, tu as de réciter doit être propre, tout en revenant sur ce qu'on a cité précédemment, le fait de réciter d'une manière naturelle. Et à partir du moment où tu copieras l'un d'entre eux, tu ne resteras pas de cette manière naturelle. Et plutôt ceci, comme l'ont jugé nos savants, est une innovation, est une bid'a. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur lui que le Coran a été descendu. Et malgré cela, on ne voit pas que As-Sahaba, radhiyallahu anhum, avait cette habitude de le copier dans sa manière de réciter, dans son timbre de voix, dans sa manière, c'est-à-dire qu'il récitait comme lui le faisait, c'est-à-dire selon les règles, mais il ne copiait pas sa voix. ni son timbre de voix, ni sa manière de rester plutôt. On voit beaucoup de hadiths comme le hadith qui est rapporté où le prophète s'est assis avec Abu Moussa al-Ash'ari dans radiallahu anhu dans la mosquée, lui a demandé de réciter le Coran et lui de s'étonner, de lui dire est-ce que je récite sur toi ya Rasulallah, et c'est sur toi qu'il a été descendu. Et le prophète s'est assis de dire d'un sens approximatif de ses paroles récite car j'aime l'entendre d'autres que moi. Donc on voit dans cela qu'il n'avait pas l'habitude de réciter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le copier, etc. Alors que c'est la meilleure des personnes, c'est sur lui que le Coran est descendu. Ceci pour la fin de nos introductions de la semaine dernière. En plus, après cela, on était rentré dans les règles concernant la demande de protection et la basmala. Et c'est sur cela qu'on s'est arrêté la semaine dernière. Sur la demande de protection qu'on avait vue en entier. Ensuite, on était rentré dans Al-Basmala et on s'était arrêté sur cela. Donc, pour revenir sur Al-Isti'ada, qui est la demande de protection, on avait dit, encore une fois, là, je vais faire un résumé du dernier cours, donc n'hésitez pas aussi à m'arrêter s'il y a quoi que ce soit à demander, les frères, quoi que ce soit comme question. Parce que c'est un résumé du dernier cours en même temps parce que Yassine n'était pas là avec nous, et après on commence le nouveau cours, Inch'Allah ta'ala. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose, à m'arrêter, Inch'Allah. Le son, c'est bon pour tout le monde, Inch'Allah ? Très bien. Donc, on avait vu la semaine dernière l'isti'ada, qui est la demande de protection. L'isti'ada, qui est la demande de protection. Ici, on avait dit que celle-ci est obligatoire au moment de commencer l'arrestation du Coran. Et ceci d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat An-Nahl, les abeilles, la surat numéro 16, ici. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ qui dans le sens approximatif de cette parole est « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. » Demande ici qui est un ordre d'Allah Tabaraka wa ta'ala, il nous ordonne de demander la protection, de demander sa protection contre Ash-Shaytan Ar-Rajim lorsque nous désirons lire le Coran. Cet ordre-là nous montre que ceci est une obligation. Car lorsque Allah Tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous donne un ordre, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un ordre, eh bien ceci montre l'obligation de cette chose. Ceci est une règle des fondements de la jurisprudence de notre religion. À chaque fois que tu verras un ordre d'Allah dans le Coran, sache que cette chose est une obligation. Comme cela, lorsque tu verras un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que la base, c'est que ceci et cet ordre montre l'obligation. Et il peut y avoir d'autres preuves qui montrent que cette chose-là n'est pas obligatoire, mais la base, c'est que c'est une obligation. C'est la première des choses que le musulman doit voir lorsque notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire quelque chose dans le Coran, dans sa sunna, comme cela Allah dans le Coran, et bien cela montre l'obligation de faire cette chose-là. Donc c'est pour cela que nous avons dit ici que celle-ci, est obligatoire au moment de commencer l'arrestation du Coran. Nous avons dit ici au moment de commencer l'arrestation du Coran. Pourquoi ? Pour ce que nous avons vu la semaine dernière, ce que nous allons réviser ici. Gardez cela en tête. On a vu ici que certains savants ont dit que ceci était recommandé. Donc il y a une divergence sur l'obligation de l'isti'ada, mais nous avons mis en avant que l'avis prépondérant, c'est que celle-ci est obligatoire au moment de débuter l'arrestation du Coran, d'après l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons vu aussi qu'il n'y avait pas de divergence sur le fait que cette demande de protection n'est pas un verset du Coran. Cette demande de protection, « A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim » ne fait pas partie du Coran, ce n'est pas un verset du Coran. Quelle est cette formule ? Quelle est cette formule ? Au moment de la lecture du Coran et en dehors de la prière. Ceci aussi est très important, gardez cela en tête. Au moment de la lecture du Coran et en dehors de la prière. Car cela nous montre que au moment où nous réciterons le Coran lors de notre prière, à l'intérieur de notre prière, le jugement sera autre que celui-ci. Ce qui vient un peu plus loin. Donc au moment de la lecture du Coran, en dehors de la prière, elle est prononcée d'une de ces quatre manières suivantes. La première manière, les frères ont dû s'exercer normalement à la maison durant la semaine. La première manière qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La deuxième manière A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim. La troisième manière A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. La quatrième manière A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ces quatre manières-là sont les manières que tu as de prononcer cette demande de protection qui est une obligation au moment où tu veux commencer ta récitation du Coran, et ceci en dehors de la prière. Ceci en ce qui concerne l'istiaada, la règle de l'istiaada, la demande de protection. Nous avons vu ici cette parole, donc ici par contre, en ce qui concerne la prière, donc ici nous parlons du moment où tu veux commencer la récitation, par exemple quand tu prends le mushaf à la maison, tu veux réciter le Coran pour toi-même, lorsque tu veux apprendre une partie du Coran, apprendre par cœur, lorsque tu vas réciter sur le cheikh, sur l'enseignant qui te fait apprendre le Coran. Tout cela, lorsque tu vas commencer ta récitation, tu liras cette demande de protection, et cette demande de protection sera lue d'une de ces quatre manières différentes. Par contre, en ce qui concerne la prière, tu rentres dans ta prière après Takbirat al-Ihram, Allahu Akbar, et tu récites du'a al-Istiftah. Après cela, avant de réciter le Fatiha, tu diras cette demande de protection, puis le Basmala, puis le Fatiha. Et on va voir un peu plus tard que le Basmala fait partie de al-Fatiha. Mais ici, on a dit donc, en ce qui concerne la prière, il n'est rapporté de manière authentique que les deux dernières formules. Comme l'a détaillé ce grand savant Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi dans son livre Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le résumé détaillé ou la manière détaillée de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons vu ici que lors de ta prière, lors de ta récitation dans ta prière, tu ne diras que A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ou A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahiim alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ces deux manières-là sont les manières qui ont été rapportées authentiquement. Il n'a jamais été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa prière, à l'intérieur de sa prière, encore une fois j'insiste, à l'intérieur de sa prière, récitait la première formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ou la deuxième A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim, mais plutôt à chaque fois lors de sa prière, ce qui est rapporté dans les hadiths authentiques, c'est qu'il rajoutait cette formule min hamzi wa nafri wa nafsi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait de cette manière-là, nous le faisons de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que celui qui récitera les deux premières formules sa prière ne sera pas valide, elle sera caduque, non, mais il n'aura pas suivi la sunna dans sa manière de prier, il n'aura pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui faudra venir avec l'une de ces deux formules qui sont les deux dernières formules. Ceci est un point important que je voulais détailler ici. Dis-moi. Est-ce que juste par rapport à ça, en plus j'aurais dû te demander dans la salle, c'est pas là. Dis-moi. C'est juste la dernière ou Non. Très bien. Chacune de ces expressions a un sens particulier. Al-hamz ou al-nafr ou al-nafs de al-shaytan. Ici, on va. Je vous écrirai la traduction exact pour le prochain cours. Mais pour résumer, un nafkh, c'est le fait de souffler. Un nafkh, c'est le fait de souffler en crachotant un petit peu. Et le hamz, ce sont c'est les insufflations de shaitan. Les insufflations de shaitan. Donc, c'est un détail sur la demande de protection d'Allah contre Shaitan al-Wadim et contre ces choses-là qui suivent Shaitan al-Wadim. Il y a plusieurs explications qui sont données par les savants sur ces trois mots et je vous rapporterai une traduction détaillée au prochain cours, Inch'Allah ou Ta'ala. Non, la base c'est que An-Nafs, mais Nafsihi An-Nafs, c'est le fait de souffler avec un petit peu de crachat, de crachoter, avec un petit peu de salive. An-Nafkh, c'est le fait de souffler sur quelque chose. Et l'Hamz, ce sont les insufflations de Shaitan, et ces insufflations. Et donc, ces trois mots-là sont comme un détail de cette demande de protection, la demande de protection de Shaitan et de ces trois choses-là en particulier. C'est ce qui est voulu ici. En particulier, car dans sa prière, en particulier, il insiste sur ces choses-là. Et les savants ont plusieurs explications de cela pour expliquer le terme en lui-même. Ça, c'est une explication du point de vue de la langue arabe, surtout. Et par rapport à ce que veut dire exactement cela, les savants ont plusieurs explications. Inch'Allah, je vous rapporterai la traduction exacte au prochain cours, Inch'Allah, Ta'ala. Ahsant, sahih, ahsant, c'est exactement ça. Et comme lorsque tu fais ruqya, comme le soir, avant de dormir, trois fois tanfuthu bayna yadayk. Tu prends tes deux mains et tu fais nafs. C'est-à-dire que tu crachotes comme ça, et tu récites les trois dernières soirs. C'est cela, nafs. Ensuite, donc, nous avons vu que cette formule, comment la prononcer ? On a dit que cette formule, nous la prononçons à voix basse lors de la récitation pendant la prière. Et tantôt à voix haute et tantôt à voix basse, en dehors de cette dernière, en dehors de la prière. Donc, lors de la prière, tu réciteras toujours l'isti'adha à voix basse. En dehors de la prière, lorsque tu lis le Qur'an pour toi, lorsque tu fais le hifz, lorsque tu fais du hifz, lorsque tu récites devant ton enseignant, tu pourras tantôt le réciter à voix haute, tantôt à voix basse. Et à voix haute en particulier, lorsqu'il te demandera de le lire à voix haute. Donc il n'y a pas de mal, tantôt à voix basse, tantôt à voix haute. Il n'y a pas d'obligation. Par contre, ici, comme vous le voyez, j'ai mis l'accent sur cela, on ne la psalmodie pas, car ce n'est pas un verset du Coran. Très important, avoir une erreur que beaucoup de personnes font, le fait de réciter al-isti'ada d'une manière comme ils récitent le Coran. Alors que comme nous avons vu plus haut, si on revient ici dans le cours, nous avons dit qu'il n'y a pas de divergence ici sur le fait que cette demande de protection n'est pas un verset du Coran. Ce n'est pas un verset du Coran, unanimement, selon l'ensemble des savants. Donc, il n'y a pas donc l'obligation ou il n'y a pas lieu même de la psalmodier, car le fait de psalmodier et d'embellir sa voix lors de l'arrestation, ceci est propre au Coran. C'est-à-dire lorsque tu lis un hadith, la base c'est que tu ne le psalmodies pas. Lorsque tu récites une poésie en arabe, la base c'est que tu ne le psalmodies pas. Tu pourras embellir ta voix si tu veux, mais ce n'est pas, ça ne fait pas partie des règles de la lecture de la poésie. Comme cela, lorsque tu lis un livre de ilm, de science, tu ne psalmodies pas ce livre lorsque tu le lis. Et car ceci fait partie des choses qui sont propres à l'arrestation du Coran. Donc, une chose qui n'est pas à faire, c'est-à-dire le fait de psalmodier, de réciter comme on peut l'entendre, beaucoup de gens qui récitent l'istiada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il le psalmodie de cette manière-là. Ça, ce n'est pas une chose qui a été rapportée dans la sunna, plutôt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et après cela, on récite la surah que l'on veut réciter avec les règles de l'arrestation et on embellit sa voix. Tu récites d'une manière simple en embellissant ta voix. Mais al-isti'adha, al-basmala, ce n'est pas quelque chose que à la base tu psalmodies. Ici, Naam. Dis-moi. Dis-moi. Naam, si certains savants, on voit que la personne qui lit sur lui, l'élève qui lit sur lui, il récite le livre d'une manière comme cela en embellissant sa voix. Ça y est, certains savants qui permettent cela. C'est quelque chose d'autorisé, tu vois, ils autorisent cela. Mais on voit que certains savants, eux, ils voient aussi que ceci n'est pas une chose à faire, puisque ceci est propre à l'arrestation du Coran. Donc par rapport à cela, il y a une divergence. Certains savants, ils n'acceptent pas cela. Et lorsque, par exemple, une personne qui ne connaît pas ce cheikh-là, comme on a pu le voir, il vient pour la première fois lire sur lui, il récite de cette manière-là, le cheikh l'arrête et lui dit, ne récite pas comme ça, ce n'est pas du Coran. Et certains savants, yani yatasamahun, c'est-à-dire qu'ils autorisent, ça c'est quelque chose d'autorisé, yani, tu récites comme tu veux. Tu comprends? Donc on peut dire qu'il y a une légère divergence sur cela, mais il n'y a pas de divergence sur le fait que le fait de psalmodier et de rester avec une belle voix, ça c'est propre au Coran. Le problème ici, c'est que ceux qui récitent, pourquoi j'ai mis l'accent sur cela, al-isti'adha, sans parler donc de la divergence des savants sur cela par rapport à la lecture des livres de science, etc., sur le fait que ici, al-isti'adha, lorsqu'ils récitent cela, on voit que ça devient une habitude pour eux. Tu vois qu'à chaque fois que la personne il va réciter le Coran, il va psalmodier al-isti'adha, et jusqu'à ce que cela peut rentrer dans son ce qu'il croit. Il croit que ceci est une obligation d'être psalmodié puisque ça fait partie de ta manière de réciter le Coran. Peut-être même ils vont jusqu'à penser que c'est un verset du Coran. Et voilà, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur cela ici. Nous avons dit ici aussi que ceci est légiféré lors de l'arrestation du Coran. Le fait de lire al-isti'adha. Ceci est légiféré lors de l'arrestation du Coran et non lors de la lecture de un ou de deux versets, lors d'une conversation ou d'un cours ou d'un sermon, comme l'ont démontré nos savants, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen et autres. Le fait que lorsque l'imam monte sur le minbar et il dit Al-Khutba, eh bien, cette personne-là ne doit pas psalmodier ces versets-là, car ce n'est pas un moment où nous allons psalmodier, puisque ce n'est pas une récitation. Ici, la personne va réciter un ou deux versets et va prendre ces versets comme preuve pour argumenter son sermon. Comme cela, une conversation entre frères, voilà, une conversation entre frères, tu ne dois pas faire sortir la prière de son heure, car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Par exemple, c'est une conversation entre frères et une nasiha entre frères. À partir de là, avant de réciter ce verset ou ces quelques versets que tu veux réciter pour argumenter, pour faire le rappel à quelqu'un, eh bien, tu ne réciteras pas al-isti'adha. Ceci n'est pas légiféré. Et ceci, on avait utilisé comme preuve le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith Abi Huraira, qui est dans le sahih de l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Certes, Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil-mursalin. Faqal ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibat wa amalu salihan. Donc ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers, et il dit, et après cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset. Et on sait que les sahaba rapportaient tout ce qu'ils entendaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, on est persuadé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset-là sans réciter cette demande de protection avant cela. Donc on voit ici l'erreur de certaines personnes, parmi des gens qui donnent des cours, ou surtout en particulier ceux qui font le sermon du Jumu'ah, de dire, lorsqu'il veut dire un verset, il dit « Ba'da a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim » قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم et il dit le verset. On voit cette erreur là, ceci n'est pas de la sunna. Voilà les frères, ça c'est pour une révision, vraiment pour voir aussi, pour que Yassine se mette dans le bain avec nous inchallah. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Est-ce que Yassine, pour toi c'était clair jusqu'à maintenant? Dans tous les cas, il y a le cours plus détaillé qui est enregistré, on va te l'envoyer. Mais est-ce que pour toi il y a quelque chose là jusqu'à maintenant? Très bien. Ok, alhamdoulilah. Les frères, juste, j'ai un petit problème là, le temps de la réunion. Restant, il faut que je règle ce problème-là avec le programme Zoom. Là, ils vont arrêter la réunion au bout d'une minute. Je vais arrêter la réunion et je vais la remettre tout de suite. Là, revenez sur le lien que je vous ai envoyé, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hein. On va arrêter la réunion. Revenez juste. Je la remets tout de suite, la réunion. Vous me rejoignez sur le lien, Inch'Allah. Hafdakumullah. Salam alaikum. Donc on s'arrête sur le basmala, les frères. On reprend ici sur el basmala. Cette basmala qui est la formule suivante. El basmala. Ce mot-là, el basmala, juste une faïda comme cela. Le mot en arabe, al-basmala, c'est une règle d'arabe qu'on appelle al-naht. Al-naht. Nun, ha, ta. Al-naht. Comme dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wayanhituna min al-jibali buyuta. Wayanhituna min al-jibali buyuta. Donc, il façonne des maisons dans la roche. Dans la montagne. Al-naht, c'est le fait de façonner quelque chose. Et ce mot-là en arabe, basmala, il ressemble au mot aussi hawlaqa, comme il ressemble au mot hamdala, etc. Ceci, dans la langue arabe, cette règle-là, naht, c'est le fait de prendre un mot, c'est le fait de prendre, pardon, deux mots ou plus et d'en faire un seul mot. Tu façonnes ces deux mots, voire plus, voire une phrase entière. Tu la façonnes pour n'en donner qu'un seul. Donc, el basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. On a appelé cela basmala. Comme cela, alhamdala, c'est le fait de dire alhamdulillah. Alhamdala. Comme ça, le fait de dire La hawla wa la quwwata illa billah, on appelle ça en arabe Al-hawlaqa. La hawla wa la quwwata illa billah, hawlaqa. C'est aussi comme cela lorsque tu entends, qui est une expression qui est vraiment de langue arabe fusha, clair, le fait de dire Ish. Ishhada, qu'est-ce que cela? On a pris deux mots, qui est le mot ayyu shay'in. Ayyu shay'in hada. Et qu'est-ce que hada? On a pris ce ayyu et ce mot shay et on les a façonnés pour n'en donner qu'un seul qui a donné ish. Ishhada. Ou ishhada. Wa ayyu shay'in hada. Tu entends même dans le kalam al-darij, par exemple, chez Ahl al-Jazair ou al-Maghrib ou akada, tu entends qu'ils disent par exemple, Wishada, Wishada. Et bien cette parole-là, c'est une parole qui fait partie de l'arabe fusha, sans que beaucoup de gens le savent. Et c'est le fait de faire cette règle-là qui est la même qu'on utilise pour avoir sorti ce mot-là, basmala, le fait d'avoir façonné certains mots. Wa ayyu shay'in hada wa ish hada. Ayyu shay'in yakunu hada wa shkun hada. Jayyid. Donc ces mots-là, ce sont des mots d'arabe fosha. Simplement, on a utilisé une règle qui est une règle à 100% fosiha. Et des gens parlent comme cela sans savoir qu'ils parlent le fosha, un fosha qui est clair. Donc ici, al-basmala, c'est le fait de faire cette formule suivante. Bismillahirrahmanirrahim. La règle ici, c'est de voir qu'elle fait partie du Coran. Celle-ci fait-elle partie du Coran? Ici, on a dans cet organigramme ce qui va nous expliquer cela. Ici, on a le fait que cette question, à savoir si la basmala est un verset du Coran ou non. On voit ici qu'il y a une divergence sur cela. Et cette divergence que je vais expliquer ici, il y a plusieurs points à retenir ici par rapport à la basmala. Ça, c'est vraiment du technique, les frères. Et je vous le donne parce que c'est ce qui est dans tous les livres de Tejwid, n'importe quel livre de Tejwid qu'on va étudier, on va parler de cela. Parce que c'est comme je vous ai dit, ces muqaddimat, ces introductions sont très importantes. Elles vont nous permettre à bien comprendre tout ce qui va venir par la suite. Sur l'isti'ada, sur le basmala, sur notre manière de commencer la lecture, de s'arrêter, tout cela, ça va nous permettre de bien comprendre. C'est-à-dire que si on a bien pris ces muqaddimat, ces introductions, ce qui viendra après sera facilité. Donc il faut vraiment y faire attention et pas voir cela comme quelque chose de lourd, mais plutôt vraiment y faire attention, même si ce n'est pas aussi, ludique que les règles de Tejwid, comme les règles du Nun Sakina ou Tanwin, ou Al-Ghunna, ou Al-Mudud, etc., ce qu'on va voir un peu après, qui sera plus ludique et quelque chose, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un plaisir à pratiquer. Ici, ce sont vraiment des règles à 100% théoriques, c'est-à-dire qu'il y a de la pratique, c'est sûr, il y a de la pratique dans l'arrestation, mais c'est vraiment plus de la théorie, mais c'est quelque chose de très très important, vraiment j'insiste sur cela. Donc ici, on a le fait à savoir si la basmala est un verset du Coran ou non. On a la première chose à l'ouverture de la sourate al-Fatiha. Est-ce que cette basmala qu'on a au début de Surat al-Fatiha est un verset de l'Fatiha ou pas? Ici, c'est-à-dire un verset de l'Fatiha, donc un verset du Coran. Ici, on voit qu'il y a divergence auprès des savants. Et c'est une divergence qui est acceptable. Donc certains parmi les savants voient que c'est un verset du Coran, et d'autres ils voient que ce n'en est pas. Mais tous les savants sont d'accord pour dire que Al-Fatiha possède 7 versets. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ السَّبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Donc, ces 7 versets sont Al-Fatiha. Ils sont bien là. Ceux qui voient que Al-Fatiha est un verset du Coran, c'est bon, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez le voir de n'importe quel mushaf. Si vous avez un mushaf à côté de vous, ouvrez-le, les frères, regardez. Vous verrez que Al-Fatiha, devant Al-Fatiha, il y a un petit 1. Il y a un petit 1. C'est ce qu'on voit dans la plupart des masahif, que Al-Fatiha est un. Que Al-Basmala, pardon, est un verset de Al-Fatiha. Et dans certains masahif, vous verrez qu'il n'y a pas de petit 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce petit 1-là. Donc ils auront diversé et ils auront divisé, pardon, le dernier verset qui est. Ils auront dit, puisqu'ils sont tous unanimes sur le fait qu'il y a 7 versets, ils diront que Ihdina Sirat al-Mustaqim est un verset, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, celui-ci est un verset, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, Ghayr al-Maghdoubi alayhim wa al-Dhalin, eh bien, ils auront divisé ce verset-là en deux. Voilà. Comme cela, donc, ils auront, les savants qui voient que al-basmala ne fait partie de al-fatiha, on ressortit ces 7 versets de surat al-fatiha. Donc surat al-fatiha fait 7 versets. Il n'y a pas de doute, comme cela a été dit dans le Coran. Simplement, la divergence est sur le fait, est-ce que al-basmala fait partie de cela, de al-fatiha ou pas? Est-ce que c'est le premier verset ou pas? Comme vous voyez dans tous les mushaf que nous avons, la plupart des mushaf, c'est un verset. Ensuite, nous avons à l'ouverture de l'ensemble des autres sourates. À l'ouverture de l'ensemble des autres sourates, les savants sont unanimes sur le fait que ce n'est pas un verset du Coran. Ouvrez le mushaf pareil, regardez n'importe quelle autre sourate, vous verrez toujours que le basmala est au début de la sourate, il n'y a jamais un petit numéro dessus, devant, pardon. Donc, selon l'ensemble des savants, al-basmala, pour l'ensemble des sourates du Coran, n'est pas un verset. Ce n'est pas un verset, simplement c'est une formule que nous prononçons au début de chaque sourate. C'est une formule que nous prononçons au début de chaque sourate, comme il est venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans que cela ne soit un verset du Coran. Ici, nous avons dit, sauf le repentir, la sourate le repentir, sourate Bara'a, sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9. Si vous ouvrez à la sourate numéro 9, sourate At-Tawbah, vous verrez qu'il n'y a pas de basmala. Ni un numéro devant, ni même le basmala que vous trouvez au début de chaque sourate. Elle commence directement par Bara'atu minallah. Le début de la sourate c'est Bara'atu minallahi wa rasulihi al-mushrikin. Donc là, vous voyez que Allah tabaraka wa ta'ala a commencé cette sourate directement par le vif du sujet. Et les ulama de tafsir ont expliqué cela par plusieurs explications, comme le fait que cette sourate est une sourate qui parle de l'qital, qui parle de la guerre, et donc dans cela, il n'y a pas lieu à rappeler al-basmala qui est le début de l'arrestation par le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ces deux autres noms qui sont Ar-Rahman Ar-Rahim, donc le tout miséricordieux, très miséricordieux comme il traduit en français. Et donc dans cette sourate qui parle beaucoup de l'qital, il n'y a pas lieu de réciter cela, et c'est pour, ils ont donné cette explication là, et d'autres ils ont donné d'autres explications. Al-Muhim, ce qui nous importe, c'est que c'est comme cela que Allah l'a fait descendre, et c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité. C'est-à-dire qu'il n'a jamais commencé par al-basmala au début de sourate Tawba. Il a commencé directement par Bara'atun min Allahi wa Rasuli. La sourate al-Naml, donc la troisième, vous voyez ici dans la troisième case, on parle de sourate al-Naml, les fourmis, verset 30. Si vous avez le mushaf devant vous, pareil, ouvrez à sourate les fourmis, verset 30. Sourate les fourmis, c'est la sourate numéro 27. Dans le mushaf. Ouvrez à la sourate numéro 27, vous verrez le verset numéro 30, les fourmis, An-Naml. Vous verrez que dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala dit Wa innahu min Sulayman, wa innahu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc ici, lorsque Allah Azza wa Jalla parle de cette lettre qu'a écrit Sulayman alayhi salam à Bilqis, la reine de Saba, il lui a écrit donc cette lettre et il lui a dit, dans cette lettre, lorsqu'il a écrit, il a écrit au début donc de la lettre, Innahu min Sulayman, il est certes, cette lettre-là vient certes de Sulayman, Wa innahu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, et certes elle est par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Et donc celle-là, dans ce verset-là, vous avez Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc ceci, nous disons que c'est un morceau d'un verset du Coran, et ceci fait l'unanimité des savants. On parle du verset 30, au début de surat al-Naml, surat numéro 27, vous avez aussi le basmala. Et cette basmala, comme l'ensemble des autres sourates, cette basmala-là, comme l'ensemble des autres sourates, n'est pas un verset du Coran. Et ici, dans cette case-là, nous parlons du verset numéro 30, Innahu min Sulayman, Innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eh bien, ceci est un verset du Coran d'après l'unanimité des savants. Voilà, pour résumer, les frères, al-basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu dois la réciter au début lorsque tu récites le Fatiha, comme lorsque tu récites l'ensemble des sourates du Coran, lorsque tu débutes la sourate, tu récites le basmala. Sauf surat al-Tawba, le repentir numéro 9. Par rapport à surat al-Fatiha, il y a une grande divergence auprès des savants. Ceci est inversé ou n'est pas inversé. Très grande divergence auprès des savants. L'ensemble des surats, des autres surats, ce n'est pas inversé, selon l'unanimité des savants, sauf surat al-Repentir où elle n'est pas présente du tout. Et dans surat al-Naml, le verset numéro 30, ceci est un verset du Coran. Ceci par rapport à al-Basmala. Avant de vous ouvrir la porte aux questions, nous voulons lire cela, à savoir qu'il est obligatoire de lire al-Basmala lors de la récitation du Coran, au début de chaque surah, sauf surat le repentir numéro 9, al-Tawba. Celle-ci sera récitée à voix basse durant la prière, selon l'avis le plus fort des savants. Il n'y a que l'imam Shafi'i et certains parmi les savants des autres madahib al-Arba'a, mais l'ensemble des imams des autres madahib, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Ahmad, voient que cette basmala sera récitée à voix basse. Donc, au moment où tu récites la prière de al-Subh ou de al-Fajr, et la prière de al-Maghrib et la prière de l'Isha, tu réciteras al-basmala à voix basse. Donc ta récitation commencera par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme cela pour les autres soirs que tu commenceras à lire. Tu réciteras al-basmala, mais tu la réciteras à voix basse. D'après l'avis le plus fort des savants, et ceci montre qu'il y a, donc cette parole-là, notre parole, selon l'avis le plus fort des savants, montre qu'il y a dans cela une divergence. Donc à partir du moment où une personne tu entendras réciter dans la prière, personne qui s'avance pour faire l'imam, récitera al-basmala, il n'y a pas lieu d'aller le voir et de lui dire Taqillah, tu as récité le basmala wa haute et Taqillah. Non, ceci est une divergence. Il a vu cet avis-là, tu peux le laisser comme cela, mais sache que l'avis le plus fort, c'est cela, comme il a été rapporté de Anas ibn Malik dans le Bukhari Muslim, où il dit qu'il n'a pas entendu ni le Prophète sallam, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, après lui, réciter le basmala à voix haute dans la prière. Et une dernière chose, celle-ci récitée à voix haute ou basse, comme tu le veux, lors de la récitation du Coran, en dehors de la prière, en fonction de la situation, de ce que la situation demande. C'est-à-dire que lorsque tu réciteras pour toi à la maison, tu peux réciter à voix haute, à voix basse, comme tu veux. Lorsque tu réciteras devant le Cheikh, devant le Mu'allim, l'enseignant, si ce dernier te demande de la réciter à voix haute pour voir si tu la récites correctement, pour voir, eh bien tu pourras, comme il te dit, si il ne te dit rien, tu pourras le réciter à voix basse. Voilà. Ceci est laissé à ton choix. Voilà, ceci par rapport à la basmala. Dites-moi si vous avez une question, ayyuha al-ikhwa. La basmala, on a vu, ça nourrit ou quoi? Pardon? Inna lillahi. Al-Basmala, lorsque tu récites la Basmala dans Surat al-Fatiha, du fait que c'est un verset du Coran, tu la rattelles. Tu la récites avec cette psalmodie. Lorsque tu récites une autre surah, tu ne la psalmodies pas. Et comme je l'ai dit précédemment, si tu la psalmodies, on va dire que ce n'est pas une innovation que tu as fait, mais ce n'est pas la base. La base, c'est que comme ce n'est pas un verset du Coran, tu n'as pas lieu de la psalmodie. Et tu vois que, subhanallah, je voulais vous rappeler ça tout à l'heure, dans certains CD enregistrés du Coran, quand tu mets maintenant c'est des MP3, quoi, quand tu mets les MP3 du Coran, tu entends, alhamdulillah à l'époque, et beaucoup c'était psalmodie, que ce soit l'istiada ou la basmala, et maintenant tu entends beaucoup, ils enregistrent comme cela, l'istiada ou la basmala avec une voix normale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم et la récitation elle commence. Souvent c'est même pas la voix du récitateur. Voilà, exactement, c'est pas la voix du récitateur, parce que le récitateur il l'a enregistré pendant la prière de Tarawih, tu vois, mais la personne qui a fait l'introduction comme ça, il l'a fait d'une manière simple comme cela. Et comme je dis, si la personne elle va la psalmodier, on ne va pas dire que c'est une innovation ce qu'il a fait, mais ce n'est pas la base. Wa fikum barakallah. Ça veut dire que même pour surat al-Fatiha, mais ça va, c'est autre chose. Parce que vu qu'il y a un grand khilaf dessus, ça veut dire que surat al-Fatiha, il y a où, c'est quel avis qui prédomine le dernier. Exactement. Donc, on va dire que la plupart ou une plus grande majorité des savants, ils voient que c'est un verset. Donc, comme c'est pour cela que tu vois dans la plupart des masahif comme Mushaf al-Medina, etc., eh bien, il y a le petit 1 devant. À partir de là, celui qui prendra cet avis-là, il fera et psalmodiera ce verset-là. Maintenant, te dire, c'est quoi, quel est l'avis le plus juste de ce qui est apparent, c'est que l'avis le plus juste, c'est que ce n'est pas un verset. Et pourquoi ce n'est pas un verset? Ça, c'est pour rentrer dans le vif du sujet, mais c'est pour cela, comme il y a une grande divergence, je préfère laisser les choses ouvertes comme cela dans le cours. Dans le sens où, voilà, il y a une divergence dessus. Mais si on veut rentrer un peu plus dans les détails, on verra que l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est que ce n'est pas un verset. Comme le disent certains de nos savants, comme par exemple Cheikh Ibn Uthaymeen, il utilise, rahimahullah, pour argumenter.